Va falloir se brouiller, profiter, nos chargeurs sont pas rouillés. Ça part en couille, jusqu'ici on a su se débrouiller. On va brouiller vos ondes avec nos grandes gueules. Foutre un putain de bordel, après ça vas-y viens nous embrouiller. Tu peux fouiller, qui tu veux ici, vos larmes vocales. Du rap local, poison toujours planqué dans le bocal. Faut mouiller, maillot ici, c'est le dur maillot. On cherche pas plus loin, y'a pas plus bas dans le rayon. On va négocier avec ce qui nous reste comme part. J'ai bousillé l'industrie, parce que selon le coup on va se gosier. Y'a trop de balles derrière le mic, les mecs sont brutales. Une guerre totale, ça annonce, tu fais front ou tu détales, faut tout scier. Tout s'y met, s'arrêter qu'on tout y est. Faut qu'on étale toute la merde de nos dossiers. Bien qu'on lâche tout avant que nos bouches viennent recoudre. C'est à elle ou quand la parole devient fouche. J'ai un chien moral, trop de haine et beaucoup de testostérone. On revient brouillard, mariage avec mes problèmes. Oreille par le feu qui sort de ma bouche. Que l'œil propre ramasse la sable et sort de la j'touche. J'ai un chien moral, trop de haine et beaucoup de testostérone. On revient brouillard, mariage avec mes problèmes. Et par le feu qui sort de ma bouche. De l'époque ramasse la sable et sort de la douche. Tout droit du béton, haut de gamme. Brûle ton rap en flamme. Dangereux pour femmes et enfants, clan infâme. Ton plat sur une pierre tombale. Vaincu pour un euro pour un cul. Truc de ton baf que du vécu. L'instinct colonial, j'en bave nique. Leur justice à sens unique. On fait du rap, t'as la décide. Réveil, on vient citer. Brave et hardcore, c'est de nous faire cesser d'exister. D'accord, je réponds mal par le mal. Tu connais pas cop 9-2 sponsorisé par Monseigneur et pas. Violence verbale à son apogée. Que les salopes n'osent pas approcher. Que ça reste ça comme l'instrumental est plié. Lutter est inutile. Sois sûr qu'on va tout niquer. Douter est inutile. La parole est poudreuse. T'en as plein les narines. Fais deux os, neuf de héros. Tu reconnais Marine. J'suis un chouillard moral. Trop de haine et beaucoup de testostérone. Or bien brouillard mariage avec nos problèmes. Oreille par le feu qui sort de ma bouche. Que le hip hop ramasse la sable et sort de la douche. J'suis un chouillard moral. Trop de haine et beaucoup de testostérone. Or bien brouillard mariage avec nos problèmes. Oreille par le feu qui sort de ma bouche. Que le hip hop ramasse la sable et sort de la douche. Ce monde qui braille, c'est rien qu'une autre victime qui vient au monde. C'est ça, leur petit. Bienvenue dans les entrailles du monstre. Première entaille, monte le son, je graille le mic. J'suis dans la cabine, derrière l'équipe prépare déjà la tiraille. J'me rabine, repars au turbin, froid urbain. Pour ceux qui l'aiment, c'est mon rap donne naissance au 22e siècle. J'peux le monde comme ce gangster cubain. Au putain de port de l'enfer, la rue arrache leur zèle aux chérubins. Trop économiser sa rage, notre son se vide de son sens. J'l'entends agoniser quand le monde se vide de son sang. Y'a nos textes à l'Elysée, c'est la chanson de la guillotine. Donne du feu, de feuille, du shit, un peu de nicotine. Brisé, l'ambiance part en couille, horrible, dévisé, booba. Arsenic, arme de première catégorie. On me dit choisir entre flingue et prix. J'prends la prière et garde le flingue près de moi au cas où Jésus serait pris. J'suis un chouillard moral, trop de haine et beaucoup de testostérone. Or bien brouillard, mariage avec mes problèmes. Oreille par le feu qui sort de ma bouche. Que le hip hop ramasse la sable et sort de la douche. J'suis un chouillard moral, trop de haine et beaucoup de testostérone.